On va parler des Genois d'Allemagne. On sait que la saison des Genois au football est terminée depuis quelques semaines. Et on va faire les Genois et demain, on va faire celui des Cougars de Chicoutimi avec Nick Menacci. On fait le bilan de l'année. Et aujourd'hui, on va parler avec Jean-Philippe Caron-Tremblay. Salut Jean-Philippe! Salut, salut. Jean-Philippe, ça n'a pas été une année facile du côté des Genois d'Allemagne. Vraiment, là, écoute, pas Mathias, ne veut pas en entendre parler parce que c'est quand même parent avec moi. Est-ce que c'est. De ce que j'ai pu entendre, c'est vraiment le manque de profondeur qui a fait mal aux Genois? Oui, bien, c'est sûr que la profondeur, là, ça reste un point clé là, pour avoir une bonne saison. J'ai commencé avec. 35 joueurs. Ensuite de ça, là, j'ai perdu quelques joueurs là, avant le début de la saison. On est tombé à 32. J'ai eu plusieurs blessés cette année, là, dont 7 défensivement. Là, donc c'est sûr que ça n'a pas aidé disons, la cause. OK. Regarde, ce qu'on a su, c'est que aussi, c'est qu'il y avait des joueurs qui jouaient en offensive, en défensive. C'était souvent la première demi, les Genois tenaient le coup, mais étaient dans le match, mais c'est la deuxième demi que c'était difficile. Oui, absolument. C'est sûr que on n'avait pas beaucoup de joueurs. Puis il y avait quelques joueurs. Plus l'année a été, plus il y a eu du double plateau. Là, donc, dans le fond, les gars jouaient offensif et défensif. Mais au début de l'année, c'était moins pire, je dirais. Là, on avait réussi. On avait quand même pas beaucoup de profondeur, mais un gars à chaque position. Mais plus l'année, plus il y a eu des blessures, là, plus ça a été difficile à ce niveau-là. OK. Comment qu'on fait pour remédier à ça? Parce que le recrutement, c'est sûr que le recrutement, c'est ça va avec la victoire. Je compare avec les Gaillards. Tout le monde veut jouer pour les Gaillards ces temps-ci parce que c'est quasiment une bonne chance de gagner un bol d'or. Mais quand les Genois, quand on arrive en fin de classement, comment qu'on fait pour recruter et aller chercher des joueurs de qualité? Ça doit être difficile. Faut que tu sois vendeur en tabarouette. Oui, ben c'est sûr que c'est pas la même situation, là, mais nous, on va viser sur à moyen terme. Là. C'est sûr que moi, d'ici 2 ou 3 ans, là, je veux une équipe championne, puis c'est ce que je veux. Je veux vendre aux jeunes aussi. Puis c'est ce que je pense aussi dans le fond de moi-même. C'est sûr qu'il y a une grosse reconstruction à faire. Puis moi, j'arrive avec des nouvelles valeurs, des nouvelles manières de travailler, nouveaux systèmes. Donc c'est sûr que ça a été un peu difficile, là, même pour les vétérans, je dirais. Là, je suis arrivé avec quelque chose assez différent de qu'est-ce qui se faisait. C'est sûr que au niveau de tout ce qui est talentueux, le football, je pense que c'est beaucoup amélioré là, au niveau des infrastructures, au niveau de la mentalité d'entraînement, la mentalité de travail. Donc, je crois avoir peut-être entre 17 et 20 vétérans l'an prochain. Donc déjà là, c'est une bonne base. Des gars qui vont être déjà dans le système. Puis je pense avoir un recrutement assez bien. Là. C'est sûr que ça reste à voir, mais je vais travailler très fort, disons, puis je vais aller voir beaucoup, beaucoup d'écoles, puis je vais faire le tour, comme on dit. OK, c'est sûr que le recrutement, si le cours se donne, le cours de l'étudiant se donne seulement à moi, ça l'aide. Par exemple de Mathias, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que tu es allé chercher, lui, étant en agriculture, il se donne à Alma. Fait que ça donne une bonne chance, là. Oui, c'est certain que quand tu es capable de trouver le programme qui correspond aux jeunes, c'est sûr, c'est toujours l'idéal. Puis, de toute façon, nous, on va travailler vraiment à vendre, oui, les programmes, mais vendre aussi là, notre petite école, là, notre. Plus facile d'avoir des bonnes notes, travailler au niveau scolaire, là, pour les cotères, là, c'est bon aussi. Donc, tu sais, il y a des points positifs à vendre aussi. Technique policière à Alma, c'est vraiment un cours qui est vraiment intéressant pour les hommes, pour les gars qui veulent faire vraiment une carrière en technique policière. Est-ce que le cours de technique policière aide à recruter des joueurs de football? Sûrement, hein? Ben, c'est certain que les y a plusieurs personnes intéressées par le cours. Là. Tu sais, l'an passé, j'ai eu 7 demandes en technique policière, des joueurs de football. J'en ai eu un qui a été accepté, donc ouais. C'est sûr que ça, c'est difficile, mais donc ce qu'on veut, c'est oui, avoir le plus de gars possible qui font les try-outs, là, qui vont faire les essais, puis après ça, plus il y en a qui sont pris, mieux c'est certain, mais oui, c'est un beau programme pour nous, puis on mise encore là-dessus là, cette année. Sens-tu que tu as le soutien de toute l'école? Ben, à vrai dire, je te dirais quand même que oui. Toutes les. Okay. Je dirais pas toute l'école parce qu'il y en a. Non, mais je veux dire de la direction de l'école. Peut-être pas toute l'école, mais de la direction de l'école. Est-ce que tu sens que la direction de l'école. La direction, ouais. Ils m'ont bien épaulé cette année. Quand j'arrive avec des projets, il n'y a aucun problème. Ils sont toujours partants. Donc oui, la direction de l'école est avec moi. J'ai pas à parler contre ça. Là. Tout le monde travaille du même côté. Puis je pense que tout le monde va avoir une bonne équipe. Puis l'équipe de football des Janois, ben, elle a une histoire. Ça fait longtemps qu'elle est là. Puis je pense qu'ils veulent surtout pas la perdre. Les Janois, vous avez quand même un bon. Vous avez vos petits frères, on pourrait les appeler même les Lynx d'Alma qui sont à côté de vous autres. Est-ce qu'ils pourraient avoir une synergie encore plus grande? Ben, je pense que c'est même toi qui dirige les Lynx aussi, si je ne m'abuse. Ou t'es dans l'organisation. Ben, afin que les. Afin que les joueurs des Lynx choisissent quasiment tous les Genois, ça l'aiderait beaucoup, là. Oui, absolument, parce qu'on sait que les Lynx, c'est une très bonne équipe de football qui est rodée au niveau de plusieurs points, là, comme l'entraînement, puis les beaucoup de pratiques. Donc, c'est sûr que moi, je peux travailler très fort pour ça, puis c'est un peu pour ça que je continue à travailler là, même si c'est très demandant, je dirais. Mm. Mais oui, c'est sûr que cette année, là, je pense avoir une meilleure école que l'an passé. Là, c'est sûr que l'an passé, je suis arrivé un petit peu tard, puis il y a eu des... il y a plusieurs gars qui sont allés au Gaillard, je dirais, là, mais c'est sûr que cette année, là, je pense avoir une meilleure école, puis... Il faudrait avoir un rapprochement. Je pense que ce serait vraiment à tout le moins que les trois quarts des joueurs des Lynx aboutissent avec les Genois. Ça l'aiderait beaucoup, en tout cas. Oui, c'est sûr que ce serait l'idéal, là, vraiment. Là. Okay. Au moins, s'ils font pas. Des fois, ils vont faire des cours avec qui ne se donnent pas à le voir, parce que je comprends. C'est sûr, quand ils vont faire sciences humaines ou certains dans un autre collège, c'est sûr que c'est plus difficile. Ouais. OK. Alors, on va parler de nos joueurs locaux. Mathias Boulian-Adam, c'est sûr qu'on en a parlé. Je l'ai cité pas mal depuis le début de l'entrevue. Belle progression dans son cas? Oui, absolument. Ça a été un joueur dominant. Là. Je pense que ça a été notre meilleur joueur de ligne offensive cette année. Pour une recrue, c'est très, très bon. Là. N'a aucun mot à dire. Là. Peut-être juste au niveau de sa discipline, il va avoir travaillé. Mais à part ça, je pense que c'est un très bon joueur. Puis j'ai parlé avec, il avait l'intention de s'entraîner, faire tout ce qu'il faut pour avoir une équipe gagnante. Là. Je sais qu'il a trouvé ça très difficile là, de perdre. Là. Il n'était pas habitué à ça, comme on dit. Oui, il était très compétitif. Donc, mais je pense qu'il y a confiance aussi là, en le système, avec tout ce qu'il y a autour, puis aussi là, en moi, là, que je vais travailler très fort pour le recrutement. Puis c'est ça. Cette année, j'avais comme plan d'arriver avec 35 joueurs, puis l'an prochain, je veux 40 joueurs. C'est ça vraiment mon objectif. Je vais faire une parenthèse. Quand tu parles de 30 à 40, ça veut dire que tu vas viser plus les Européens, j'imagine? Il va y avoir des Européens. Là. C'est sûr qu'on a déjà commencé à parler. J'en ai déjà dans mon équipe, donc on a des contacts un peu. Mais je vise beaucoup au Québec aussi. Là. Je vais essayer d'étendre un petit peu mon recrutement et aller voir là, plusieurs, pas juste régional, mais vraiment provincial, puis aller chercher. Là. J'ai fait plusieurs matchs. Je suis allé voir le Bol d'Or en cette semaine. Donc j'essaie de... Je vais essayer d'avoir le plus de gens possible, rencontrer le plus d'apparents possible, puis vendre mon programme. Okay. L'autre joueur, parce que je sais qu'il y en a un autre qui vient du haut du lac. Il y en a deux en tant que. OK, il y en a deux. Il y a Guillaume Côté. Ouais. Qui est un demi-défensif, là, que lui, il n'a pas joué beaucoup, là, en raison de. Il y a eu une commotion, ça a été très difficile, là, ça a remis sur pied. Puis il y a Guillaume Pelletier aussi, là, un joueur de Robertval, un O-line qui était avec nous, c'était sa deuxième année. Il a été partant toute l'année là, malgré qu'il y a un plus petit gabarit, mais il était très bon, un joueur super amélioré, belle découverte pour nous cette année. Okay. La récolte du haut du lac, des récoltes Saint-Félicien également, on peut même parler de Chipougamau, est-ce qu'il y a une belle récolte qui s'en vient pour le recrutement? Robertval aussi, Delbeau. Oui, mais c'est ça, Robertval, eux, ils se sont fusionnés avec Saint-Félicien cette année. OK. Donc, il n'y a plus de football juvénile à Robertval. Donc, puis même Dolbeau, là, tout est rendu à Saint-Félicien. Donc, c'est sûr que moi, j'espère réussir à ramener quelques gars de là. Donc, je pense qu'on reste une région du lac Saint-Jean. Donc, ça serait bien de les ramener à Alma. Puis, il y a un bon potentiel cette année, beaucoup de finissants. Donc, c'est sûr qu'on va essayer de frapper fort là-dedans. OK. Ben Jean-Philippe, un gros merci. On va s'en parler. On va suivre ton recrutement. Ça, c'est un autre angle qu'on va suivre de près. Fait que je viens de te passer quelque chose. Ben, super. Parfait. Merci beaucoup. Jean-Philippe Caron, l'instructeur des Genois d'Allemagne au football.